Hello, chers cavaliers et chères cavalières. Ici Angélique. Bienvenue sur C'est pas sorcier, le podcast qui vous parle du lien cavalier-cheval. Ce podcast, il est complémentaire au blog j'entraînemoncheval.com. Avec le blog, on fait dans le concret. On parle conseils, exercices, on détruit les mythes de l'équitation, mais au final, on a quand même les deux pieds dans la carrière. Or l'entraînement, eh bien finalement, ce ne sont pas que des choses concrètes. Il y a aussi une part de mental, et c'est l'occasion, avec le podcast, de prendre de la hauteur et de s'inspirer. Ensemble, nous allons interviewer des personnalités ou des experts équestres, et j'espère que nous trouverons des clés, ou en tout cas des axes de réflexion, sur le lien qui unit un cavalier à son cheval. Le but, c'est évidemment que nous progressions nous-mêmes sur le lien qui nous unit à nos chevaux. Aujourd'hui, pour cet épisode « C'est pas sorcier » de publier un magazine, nous allons donc parler d'un lien cavalier-cheval qui est différent, puisque nous allons parler d'un lien papier. Enfin, papier. En tout cas, un lien journalistique. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai toujours eu dans ma vie un magazine à mes côtés. Que ce soit Cheval Star quand j'étais jeune, Cheval Magazine et ses innombrables posters que j'ai collectionnés quand j'étais ado, ou aujourd'hui avec Cheval Pratique, Cheval Magazine toujours, mais aussi d'autres comme Grand Prix, L'Éperon, la presse écrite a toujours fait partie de ma vie de cavalier. Je pense que vous connaissez d'ailleurs tous mon invité d'aujourd'hui. En tout cas, vous l'avez probablement lu sans même le savoir. Christophe est le rédacteur du magazine Cheval Pratique, et aujourd'hui, j'ai quand même un immense privilège, je fais quelque chose que peu de gens ont fait avant moi, j'ai interviewé un journaliste. Comment construit-on un magazine? Quel est son rôle en tant que rédacteur? De quel sujet parle-t-on à un cavalier? Est-ce que c'est lui qui fait réellement les tests produits? Et puis surtout, est-ce que la presse écrite est aussi morte qu'on veut bien nous le faire croire? Tout autant de questions dont Christophe apporte les réponses avec un français comme j'en ai rarement entendu à l'oral. Cet épisode a été pour moi un régal de langue française. Je pense sincèrement que si plus de cavaliers se mettaient à lire des gens comme Christophe, il y aurait très certainement un vocabulaire bien plus riche et un effondrement du taux de faute d'orthographe sur les réseaux sociaux. Mais passons. Petite précision, l'enregistrement s'est fait pendant le salon Équitalion. C'est la raison pour laquelle il peut y avoir des bruits de fond. De temps à autre, Christophe a voulu couvrir les bruits environnants et le son de son micro s'en est trouvé occasionnellement saturé. Mais cela n'entache rien du tout à la qualité de l'interview, qu'il est grand temps que je laisse Christophe vous faire découvrir les coulisses de Cheval Pratique. C'est parti pour l'épisode « C'est pas sorcier » de publier un magazine. Bonjour Christophe. Bonjour Angélique. Je suis ravie que tu aies pris le temps de m'accueillir sur le stand de Cheval Pratique, le stand d'Équitalion. Alors j'ai une confidence à faire, je lis Cheval Pratique tous les mois. Je ne sais pas si c'est une bonne maladie. C'est une très très bonne maladie, enfin en tous les cas c'est une très bonne lecture. Peut-on parler de maladie? Non, assurément pas. C'est une très belle passion parce que là encore une fois, c'est un autre vecteur que le papier, que la presse équestre, que de vivre sa passion, c'est un autre vecteur. Parlons un peu magazine parce que sur le lien cavalier-cheval, je trouve que la presse équestre et les magazines parlent beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire déjà ton métier de rédacteur chez Cheval Pratique, en quoi il consiste? Alors, le métier de rédacteur, c'est une terminologie professionnelle dans le journalisme qui indique tout simplement que j'écris. Je ne fais pas de photos, je ne fais pas de vidéos, même si aujourd'hui, comme beaucoup de métiers, il y a une évolution de celui-ci. On est maintenant multifonction, on est censé pouvoir écrire comme je le fais, on est censé pouvoir filmer, on est censé pouvoir éventuellement mener des interviews comme celle à laquelle tu me convies. Et pour en revenir à qu'est-ce qu'être rédacteur, je le répète, c'est de pouvoir rédiger des articles. Et au sein de la rédaction du magazine Cheval Pratique, moi, le milieu équestre étant, dans l'absolu, convenons-en, assez petit, je ne suis pas un spécialiste d'une spécialité. Il est des confrères, il est des consoeurs qui s'épanouissent pleinement, et ce pendant des années, à vous parler essentiellement de dressage, à vous parler essentiellement de CSO. Mais moi, je considère que la richesse du métier et l'attrait du métier, c'est de pouvoir être un observateur qui évolue dans plein de sphères. D'accord. Et moi, je fais, pour répondre à la question qu'est-ce que être rédacteur, je fais aussi bien des actualités du monde du cheval, très génériques, Je fais des portraits de cavaliers, des portraits d'éleveurs, connus, méconnus, mais qui sont tout aussi professionnels que les têtes d'affiche du monde du sport. Parce qu'il n'y a pas de tête d'affiche dans le monde de l'élevage. En tous les cas, ce sont des gens qui sont, par essence, plus dans la confidentialité. Je fais des essais de matériel, essais de vent, essais de sel. Alors, certains pourront trouver ça pas forcément très rock'n'roll, mais en même temps, c'est tout à fait ce dont ont besoin ceux qui nous lisent, ceux qui pratiquent l'équitation, parce que tôt ou tard, qu'ils sillonnent la France ou même leur région plus modestement, sans aller d'un concours à l'autre, mais simplement parce qu'ils veulent partir en vacances, ils veulent partir en rando, il se posera le problème du transport, de l'autonomie par rapport au transport. Donc voilà. Qui vous lit par exemple pour Cheval Pratique? Je pense que c'est plutôt des propriétaires. Qui est le persona type qui vous lit? Alors, le cœur du lectorat du magazine Cheval Pratique, c'est... ceux qui nous lisent, le lectorat, oui, pas de problème. Le cœur du lectorat, dis-je, c'est effectivement des cavaliers propriétaires qui ont environ 25, 35 jusqu'à 55 ans. On va dire qu'on peut, la typologie peut être celle-ci. Mais il est évident que s'ils constituent le cœur de nos lecteurs, on a aussi beaucoup de lectrices et de lecteurs, mais beaucoup plus de lectrices, on le sait, l'équitation, c'est féminin. Voilà, qui sont des cavaliers de club, qui sont pas forcément des propriétaires, mais qui sont des demi-pensionnaires, voire des tiers-pensionnaires. Ça, qui ont un lien fort, en tout cas, avec un cheval. Voilà, absolument. Et puis, bien évidemment, un certain nombre de professionnels, et notamment ceux auxquels on ne songe pas forcément, parce que quand on pense professionnel, on pense cavalier, on pense éleveur, mais les professionnels, ce sont aussi les acteurs de la formation qui ne cessent de répéter à leurs élèves, qu'ils soient dans la perspective de préparer un CAPA, qu'ils soient dans la perspective de préparer un bac pro, de lire la presse équestre. Parce qu'il y a une désaffection à l'égard de la lecture en général, de la presse en particulier, même au paradoxe, même lorsqu'il s'agit d'une presse qui parle de sa passion. Donc, ils sont aussi très prosélytes, les enseignants, les acteurs de la formation, c'est de dire à leurs élèves, lisez la presse équestre, vous y apprendrez tout autant que ce, tout autant, en tous les cas, des choses qui viendront compléter ce que nous allons vous enseigner dans les cours pratiques, dans les salles de classe. Qu'est-ce qu'il y a du coup dans un magazine équestre et en particulier dans Cheval Pratique? Comment ça se construit, tu vois, un magazine? Alors un magazine, quand on est dans les coulisses, ça se construit sur la base d'un chemin de fer. Le chemin de fer, c'est tout simplement un plan de ce que va contenir le magazine que l'on s'apprête à réaliser. Il y a bien évidemment dedans les espaces publicitaires. Et puis, on séquence en accordant une page, deux pages, six pages à tel ou tel reportage en fonction de plusieurs critères. Il n'y a pas de règle en la matière. Le rédacteur en chef, qui est le chef d'orchestre de l'équipe, va décider parce que les photos sont belles et le texte assez court, de consacrer peut-être 3 ou 4 pages. D'accord. Et puis, dans un cas inverse, le texte est formidable, mais il est malheureusement desservi par des photos qui ne sont pas géniales. Et il faut le reconnaître, le texte est vendu par les photos qui l'agrémentent. Si on a des belles photos dans un article, on va être plus enclin à s'attarder à le lire que si les photos ne nous émeuvent pas ou on ne les trouve pas esthétiques. Voilà. Alors pour répondre à la question. C'est un appel en gros, les photos. Voilà, sont un absolument, appel. Absolument. Et d'ailleurs, la construction d'un article, on peut l'observer, il y a de multiples degrés de lecture. Il y a donc bien évidemment le titre, le surtitre, le chapeau. Le chapeau, c'est un paragraphe qui, en 2 lignes, 3 lignes maximum, synthétise ce que ce reportage ou cet article va nous offrir à lire. Un avant-goût, une sorte de bande-annonce, on va dire. Après, il y a le texte courant, c'est-à-dire l'essentiel de ce qui constitue les colonnes du texte. Et puis, il y a ce qu'on appelle des encadrés, c'est-à-dire qu'à un moment, on met un focus sur un point précis. Sur une phrase, voilà, clé. Et alors, il y a aussi des exergues. Les exergues, c'est effectivement, on sort du contexte une phrase que l'on met en caractère assez imposant, assez gras, pour attirer le regard. Et ce sont autant d'éléments de lecture. Alors, il y a des gens qui s'attaquent d'emblée à la lecture d'un texte courant, parce que le sujet les intéresse éminemment. D'autres ne sont pas plus inspirés que ça, mais ils lisent, ils picorent, ils regardent les encadrés, les photos, puis ils trouvent que c'est plutôt pas mal. Et à ce moment-là, ils s'attellent à la lecture du texte principal. Ouais. Et puis, dans ce chemin de fer que j'évoquais, où le rédacteur en chef, avec ses collaborateurs, décide d'accorder à tel sujet 3 pages, 4 pages, 6 pages, le numéro prend forme avec bien évidemment ce que l'on appelle des rubriques. Les rubriques, ce sont des rendez-vous récurrents qui chaque mois, bien évidemment, reviennent parce qu'on a quand même ses habitudes, on a quand même ses repères, on aime bien retrouver chaque mois un rendez-vous que le contenu diffère, bien sûr, par rapport au mois précédent, mais qui soit présent. L'habitude de lecture, voilà. En tout cas. Et donc, Cheval Pratique, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, on y trouve parce que, même si ce n'est pas un titre extraordinaire, Cheval Pratique, il en est qui sont peut-être plus flatteurs à l'oreille. Mais en même temps, il a le mérite de tout dire. Cheval Pratique, justement, d'où ça vient? Quelle est l'origine du nom? Eh bien, c'est tout simplement parce que dans le début des années 1990, alors c'est même pas dans le début des années 90, c'est en 1990. Alors attends, j'ai trouvé la date que c'était le 1er avril et que c'était pas une blague. Et oui, oui, absolument, ça n'est pas un poisson. Et donc, en ce mois d'avril 90, il y a deux personnes qui sont, dont l'une continue aujourd'hui de collaborer au magazine, qui décident de venir créer un titre qui vienne en concurrence, mais avant tout en complément d'un magazine qui lui existe de beaucoup plus longtemps, qui naît en 76, okay. Et qui est Cheval Magazine. Il n'existe à l'époque que Cheval Magazine. Mmh. De 1976 à ce mois d'avril 90, on n'a à lire que Cheval Magazine. D'accord. Dans le domaine de l'équitation, qui n'est pas féru de compétition et de haut niveau. Parce qu'à ce moment-là, il y a l'ancêtre, le doyen des titres de la presse équestre française à l'époque, qui est l'éperon. Hein. Donc lui, il a son segment. Et dans celui des cavaliers que la plupart d'entre nous sommes, il n'a à ce moment-là que Cheval Magazine. Et donc apparaît en avril 90 Cheval Pratique qui, comme son nom l'indique, a pour finalité de pouvoir mettre l'accent sur des choses qui vont éminemment servir dans sa pratique de l'équitation, dans sa perception de l'équitation, dans sa compréhension de l'équitation. Alors, il est évident que les années ont passé et que le cheval pratique de ce mois d'avril 90 et de ces années 90 n'est certainement plus celui que l'on offre à lire aujourd'hui. Mm-hmm. Il a évolué, ne serait-ce que sur l'aspect maquette, bien évidemment, parce que les goûts, tout évolue et ce qui marchait et ce qui accrochait dans les années 90 est totalement has-been aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, il a connu une mutation absolue. Ce n'est plus du tout le même magazine. Et puis, le ton a changé parce que le ton des pionniers n'est plus celui que nous avons eu ces dernières années où, effectivement, on a voulu beaucoup plus de technique. Parce que la pratique, c'est aussi ça. C'est dans le magazine Cheval Pratique, s'il fallait mettre en avant une singularité de ce titre, c'est de dire, beaucoup de nos confrères peuvent vous dire les résultats, par exemple, d'un concours qui a eu lieu la semaine d'avant. Mm-hmm. Nous, notre but, c'est pas tellement de revenir là-dessus, c'est factuel. Et puis le papier, en plus, n'a plus la possibilité de suivre le rythme de vie qu'est le nôtre. Il est totalement décalé. Mm-hmm. Donc nous, notre but, dans les pages pratiques du magazine, c'est d'expliquer comment la faute qu'on a fait dans la double ou sur telle figure, sur le carré de dressage, mm-hmm. dimanche dernier, comment ne plus la refaire. Avec des exercices chaque mois, sur le plat, des exercices obstacles. Et tu avec veux des un travail à pied aussi travail à pied, bien évidemment, parce que tout participe à l'amélioration et à la performance du cheval. Et on a dans nos collaborateurs des gens des premiers plans qui viennent apporter leur expertise à l'équipe de rédaction et ainsi nous permettre d'être crédibles. Voilà, et je pense que la crédibilité, elle est non seulement pour celui auquel l'information est destinée au final, c'est-à-dire le lecteur, le cavalier, mais elle est aussi pour nous source de crédibilité parce que ça sous-entend que des gens de renom acceptent de s'associer à la démarche qui est la nôtre en consacrant de leur temps, en s'y impliquant personnellement avec leur nom qui est associé au magazine. Mm-hmm. Et je pense que ils ne daigneraient pas à s'associer à un magazine s'ils avaient à son égard quelques réserves. Comment tu fais dans un magazine la part entre les choses qui sont très récurrentes, je crois que vous appelez ça le contenu froid, et les choses plutôt d'actualité, ce que vous appelez le contenu chaud. Par exemple, là, en ce moment, on est en automne, donc on va forcément parler de couverture. Comment vous reparlez des couvertures chaque année, mais sans pour autant redire la même chose et que le lecteur ait du plaisir à relire des choses que, pour autant, il a déjà vécues? Alors, il y a des choses sur lesquelles, fondamentalement, il n'y a pas de grand-chose de neuf sous le soleil. C'est ce qu'on appelle aussi dans la presse, et pas uniquement équestre, ce qu'on appelle les marronniers. C'est-à-dire des choses qui, sempiternellement, à chaque année reviennent de manière récurrente. Mm-hmm. Alors comment faire qu'on se renouvelle? C'est tout simplement souvent en faisant appel à éventuellement des intervenants autres qui finalement vont nous parler de ce même produit qui est une couverture d'écurie ou une couverture de paddock, mais qui vont nous en parler de la façon dont eux les appréhendent, eux les conçoivent. Donc c'est toujours intéressant puisqu'il peut y avoir en la matière des convergences bien sûr, mais aussi des divergences ou des appréciations distinctes. Et puis aussi on compte beaucoup sur celles et ceux qui les conçoivent et les fabriquent. C'est à eux aussi d'essayer de se démarquer par rapport à leurs confrères et en se démarquant par rapport à leurs confrères, de nous permettre à nous de trouver des éléments nouveaux sur lesquels pouvoir commenter, apporter notre témoignage ou notre remarque de pertinence, que c'est bien vu. Et puis, des fois, il y a des produits où on peut regretter tel ou tel aménagement, telle ou telle conception. Et notre but n'est pas de critiquer ce qui a été fait, mais c'est de dire, bah voilà, nous, on l'a essayé, cette couverture, parce que ça aussi, c'est un point fort de Cheval Pratique, c'est que ce dont on parle, on les a essayés. Et de dire, bah voilà, si la sangle était positionnée à tel endroit, ce serait plus commode. Voilà, c'est de faire des suggestions positives dont certains fabricants se sont inspirés. D'ailleurs, certains nous l'ont dit que ce qu'ils avaient lu leur avait servi de base à une réflexion et à repenser le produit qui était intrinsèquement bon et qui pouvait être encore meilleur. Oui, je comprends. Donc, c'est aussi ça, la démarche. C'est aussi de servir d'informations aux cavaliers consommateurs, au final, mais également aux concepteurs, de dire que ce produit qui est déjà très intéressant et très attrayant peut peut-être l'être davantage. Sur les articles, du coup, là, tu parles des marques qui peuvent vous fournir du contenu. Est-ce que pour passer dans Cheval Pratique, c'est les marques qui viennent toquer à la porte, ou est-ce que c'est aussi l'inverse, c'est vous qui allez les voir en disant « on a une idée et on aimerait parler de ça ». Alors, c'est absolument les deux. Okay. Hein, ça, il n'y a pas à tergiverser. Les deux, ça fonctionne dans les deux sens. Il est évident qu'au fil du temps, eu égard au fait que, pour ce qui me concerne, ça fait quand même maintenant près de 20 ans que je suis associé à ce titre, j'ai noué des relations plus personnelles avec beaucoup de fabricants, beaucoup de distributeurs, et ils savent très bien que notre sollicitation les incite à venir au-devant de nous en disant « Tiens, j'ai quelque chose qui va pouvoir t'intéresser, il va sortir à tel moment, ce serait bien que tu en parles. » Parce que on a beau aujourd'hui dire le print, c'est quand même pas un vecteur rock'n'roll très sexy, il n'en demeure pas moins que à certains moments, on sait se souvenir que le print existe et qu'il est de bon ton de venir l'utiliser et dans lequel on parle de soi. Et puis, il y a aussi notre rôle à nous d'enquêteurs, de prospecteurs, qui est d'aller au-devant de nouveaux visages, de nouveaux acteurs qui fabriquent peut-être des produits qui existent depuis longtemps, mais pour qu'ils existent, eux, économiquement, il leur faut proposer quand même quelque chose qui se distingue de la concurrence. Et donc, c'est à nous d'essayer de les déceler, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Ça prouve aussi le dynamisme de l'économie équestre, quoi qu'on dise. Et de leur dire, écoutez, votre produit nous intéresse et nous aimerions en parler, parce que vos futurs clients sont nos lecteurs. Donc, il y a une convergence là. Et ainsi, les choses se font. Et beaucoup de gens nous proposent de... Quand je dis beaucoup, c'est quasiment tous les acteurs, les grandes, les enseignes connues ou reconnues du secteur nous proposent d'essayer leur matériel. D'accord. Alors, tu parlais du volume et que de temps en temps, les gens se rappellent que le format papier est toujours existant. La part du numérique par rapport au papier en ce moment pour Cheval Pratique, ça donne quoi ? Alors là, on atteint un sujet sensible, c'est que pour l'instant... Sur l'aspect numérisation, le groupe au sein duquel nous nous trouvons n'a pas encore véritablement défini la politique qu'il envisage. D'accord. Par rapport à ce média, par rapport à ce vecteur plus exactement. Okay. Donc pour l'heure, on est un petit peu dans l'expectative, on est un petit peu à la traîne. Il est évident que ça serait pour nous et pour celles et ceux dont on parle un levier supplémentaire. Je pense que dans le courant de l'année 2020, les choses vont évoluer, vont bouger, parce que c'est maintenant pour un média absolument nécessaire de pouvoir être à 360 degrés ou au moins 190 degrés, c'est-à-dire le print, le digital, puis également des contributions sur les réseaux sociaux, ça, nul n'y échappe. Je reviens sur les tests produits. Du coup, tu testes tous les produits, c'est toi-même en personne qui les teste avec tes collaborateurs, tes experts. Absolument, oui. Ça aussi, c'est un point important. On s'entoure, prenons un exemple très concret, les essais de sel. Nous avons un collaborateur attitré, qu'on pourrait qualifier de saddle fitter, qui est connu et reconnu dans le milieu. Ça, c'est indéniable. Je peux même le citer nommément à ce micro. Il s'agit de Stéphane Delanoux de la société Sel Expert, qui est basée dans la région de Saumur, mais qui rayonne sur quasiment tout l'Hexagone, et qui est notre référent technique pour les essais de sel. L'avantage de faire appel à cet interlocuteur pour moi, dans un souci d'objectivité, c'est qu'il n'est inféodé à aucune marque. Il parle de toutes les marques de sel, puisque lui, il les analyse sur un aspect éminemment clinique, sans affect par rapport à la marque. l'esthétisme, tout ça, il fait part de ce qu'il en pense, mais il le laisse à l'appréciation des lecteurs. Lui, ce qui l'importe, c'est le comportement de la selle sur le cheval et ce que cela induit dans le geste du cheval et de ce que cela induit dans le fonctionnement du cavalier, parce que c'est bien là l'essentiel de la selle. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a aussi des produits où, je dirais, le degré de technicité est moindre et où nous pouvons le réaliser, nous, journalistes. Et dans l'absolu, notre commentaire n'engage que nous, bien évidemment. Ce n'est pas parole d'évangile. Ce n'est pas parce que Cheval Pratique a dit qu'il faut se prosterner et considérer que c'est ça et pas autre chose. Pas du tout. C'est un avis parmi d'autres. On a la possibilité d'avoir un amplificateur avec le magazine, bien évidemment. Mais on est à la place de monsieur ou madame Duchemin qui achète à qui cette culotte d'équitation, à qui cette veste, à qui ce casque, et qui a un avis qui est le sien par rapport à son ressenti. Bon, après, nous, on prend du champ, on prend du recul pour dire, voilà, on s'y est trouvé confortable ou pas très à son aise, mais en même temps, force est de reconnaître que les matériaux utilisés, que le design a été admirablement pensé. Et voilà, si nous, ça ne nous a pas emballé, c'est un bon produit et il mérite que vous le coiffiez si c'est un casque ou que vous l'enfiliez si c'est une culotte d'équitation. Mais bien évidemment, les essais de vent tracté, les essais de camion, c'est bien évidemment ton interlocuteur qui se met au volant acquis du camion, acquis du véhicule tracteur pour tester le comportement routier, tester le côté pratique de l'habitacle. Est-ce que les bas-flancs sautent facilement en cas de crise ou normalement pour un embarquement ou un débarquement, le maniement des bas-flancs, montage, démontage, l'accès à l'habitacle sur la route, où, tout a absolument été testé. On les pèse, on les mesure pour les vents ou les camions. On les mesure. Alors avant, c'était avec un mètre ruban. On s'était un peu modernisé. Maintenant, on le fait avec le laser. D'accord. Donc c'est plus rapide, plus rapide et puis assurément plus précis. On ne fait pas du copier-coller de la fiche constructeur. Et c'est pareil, on les pèse et souvent on constate qu'il y a généralement des petits problèmes de poids entre le poids de la carte grise et le poids. Et ça, c'est un vrai problème pour le cavalier. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je rebondis. On fait aussi des aspects éminemment pratiques sur les permis à avoir, sur les risques que l'on encourt si on est en surpoids par rapport au fait qu'on embarque deux chevaux dans un vent qui est conçu pour en accueillir deux à son bord, mais qui, pour des problèmes de masse, fait qu'on risque, en cas de contrôle inopiné sur la voie publique, être éventuellement amendable parce qu'on est en surcharge. Voilà. Donc ça peut paraître tout ça un peu lourd, un peu fastidieux, mais en même temps, je pense qu'à celles et ceux que cela importe, on apporte des vrais éclaircissements. Il y a des choses qui ne sont pas toujours sympas à écouter ou sympas à lire, mais qui sont la réalité. Et on ne peut pas s'affranchir de la réglementation. De la loi, des contraintes qu'on peut avoir pour son vent. J'avoue que le vent, c'est un sujet en plus qui est assez technique et sur lequel c'est aussi un investissement quand on achète un vent. Oui, bien sûr. Et puis en même temps, puisqu'on parle du vent, restons-y encore quelques secondes, c'est certainement pas dans un magazine les pages les plus glamour, j'en conviens. Mais en même temps, encore une fois, le jour où on a l'envie d'être autonome, de ne pas dépendre du départ et de la rentrée du camion du club, qu'on a envie de pouvoir aller là où personne ne va, rentre dans ses préoccupations, quel vent acheter, par rapport à quelle voiture, par rapport à mon cheval ou mes chevaux. Et ça, c'est des contingences qui sont peut-être un petit peu barbantes et rébarbatives, mais on ne peut pas faire l'économie. Complètement. Que tout cavalier se pose un jour quand il a envie de transporter son cheval, en tout cas. Absolument. La vie pratique. Voilà, et c'est ça Cheval Pratique, c'est qu'il y a des rendez-vous du sommaire qui peuvent faire particulièrement écho à sa préoccupation du moment. Je veux m'acheter ma première selle, ou je vais acheter une selle, ou un moyen de transport, ou refaire un abri. Et puis aussi, ça peut être la nutrition, des conseils en nutrition, des conseils en produits de soins. Donc voilà. Est-ce que c'est dur de remplir le magazine tous les mois? Est-ce que tu manques d'idées à un moment où finalement il y a toujours des idées, des opportunités, des occasions qui font que c'est facile? Alors c'est facile. C'est facile, il n'en demeure pas moins que cependant, certains mois on se dit la question se pose, en effet. Et puis très très vite on s'aperçoit qu'on a ce qu'on appelle dans le langage journalistique du marbre. Le marbre, ce sont des articles que l'on a fait il y a quelques semaines, quelques mois et qu'on a mis de côté, non pas parce qu'ils n'étaient pas intéressants, mais parce que justement on manquait de place dans les précédents. Donc il y a des numéros, il y a des articles, des sujets qui sont reportés d'un mois sur l'autre. Donc on arrive facilement à remplir ce fameux chemin de fer dont je parlais au tout début de notre entretien. Et on a finalement le monde du cheval est d'une telle richesse que sans chercher bien loin, besoins, on trouve toujours matière à qui, à travers un portrait, des problèmes techniques comme ceux sur lesquels je viens d'épiloguer peut-être un petit peu trop longuement. Non, c'est hyper intéressant, je te rassure. Voilà. Je suis captivé, moi, en tout cas. Et bien, c'est de pouvoir apporter des choses éminemment pratiques. Voilà. Et donc, on a toujours matière. Et puis, c'est une contribution collective. C'est-à-dire qu'il y a aussi des acteurs au-devant desquels nous allons qui sont eux-mêmes, comme nous le parlions, des produits tout à l'heure. Mm-hmm. Et bien, qui nous disent, mais moi, j'ai un élevage de chevaux pas loin de chez moi. Ou moi, j'élève des chevaux de couleur. Ou moi, j'ai... Et on se dit, mais oui, après tout, voilà un acteur du monde équestre qui mérite que l'on témoigne de son existence. Et donc, finalement, un numéro... Eh ben, au départ, on peut avoir une appréhension en se disant, là, il y a 95, 100 pages à remplir le mois prochain. Que va-t-on y mettre ? On ne peut pas ne pas dire, ne pas s'être posé cette question. Et puis finalement, la réponse vient d'elle-même. On a largement de quoi, on en a même de trop. D'accord. Et comment ça se passe en termes de timing ? Sur le numéro de novembre, du coup, il est déjà disponible ? Le numéro de novembre est disponible puisque nous sortons environ entre le 15 et le 20 du mois qui précède. Et du coup, en termes d'impression et en termes de maquette, si on fait le rétro-planning, est-ce que tu peux nous en parler ? Eh bien, lorsque le numéro qui est actuellement en vente dans les kiosques en ce 1er novembre, alors que nous sommes à Équitalion, il est sorti il y a une huitaine de jours. Okay. Et ce numéro, eh bien, il se prépare tout début septembre. D'accord. Et il est bouclé vers le 8-9 par à l'impression. Okay. Et arrive en kiosque le 15-20, le temps d'être cheminé sur tous les points de vente. Voilà. Mais les gens, généralement, nous, on raisonne comme ça techniquement, en vue des coulisses. Mais en réalité, pour eux, les gens, ils ne savent pas que c'est le numéro de novembre, que le numéro de novembre sort en octobre, que le numéro de décembre. En décembre, c'est en réalité le numéro de janvier qu'ils lisent. D'accord. Puisque je rappelle que nous sortons 15 jours avant le mois concerné. Le gens, ça les dépasse. Je pense qu'eux, ce qu'ils se souviennent, c'est de la couverture, éventuellement du numéro. Mais c'est surtout de la couverture, donc voilà. Après, ça sont des cuisines. Voilà, c'est des cuisines. Voilà, c'est vraiment des cuisines internes et qui n'ont pas intrinsèquement grand intérêt. Mais voilà, le rétro-planning, c'est ça. C'est que là, si je prends le numéro qui va sortir pour le Salon du Cheval de Paris, qui se profile à l'horizon le 4 décembre prochain, nous en achevons le bouclage lundi et mardi prochain. C'est-à-dire, nous serons... Le 7 ou le 8. Le 7 et le 8, voilà. Il part à l'impression et sera en kiosque vers le 22 novembre. Voilà. Ok, ça marche. Ça s'imprime super vite, du coup, c'est l'industrie du papier. Ça s'imprime où ? Non, c'est en France ? C'est imprimé en France, effectivement. Je ne sais plus exactement dans quelle région se trouve l'imprimerie, mais c'est en tous les cas hexagonal. Ça n'est pas envoyé en Italie comme beaucoup de magazines peuvent l'être aujourd'hui, pour des raisons économiques, hein, cherchons pas midi à 14h. Mais ça s'imprime extrêmement vite, parce que je ne connais pas le monde de l'imprimerie, mais ils ont des machines, des rotatives qui font qu'ils peuvent cracher des milliers d'exemplaires, Très vite, si ce n'est pas à la minute, en tous les cas à l'heure. Donc voilà. Est-ce que c'est le même groupe Cheval Magazine et Cheval Pratique ? Absolument. Et ce, depuis très récemment. Nous avons... pour ce qui est de Cheval Pratique, auquel je suis associé depuis près de 20 ans, était racheté au mois de juillet 2017 par le groupe Paris Turf. Le groupe Paris Turf, c'est un groupe qui contient énormément de journaux, mais destinés à être des supports de paris de course. D'accord. Comme le Paris Turf, c'est une institution qui a été créée, un journal quotidien qui a été créé en 1946. Donc nous avons été rachetés par ce groupe en juillet 2017 et... quelques mois plus tôt, l'avait été aussi notre confrère et néanmoins concurrent, Cheval Magazine. Donc je dirais que les deux chevaux restent concurrents, mais on rejoint la même écurie, si je puis dire. Voilà. Donc voilà la nouvelle architecture sur le plan économique, si je puis dire. Après, j'imagine que Cheval Magazine est peut-être plus à destination des équitants loisirs. Pas forcément, c'est le même lectorat. Non, maintenant son ADN, si je puis dire, est davantage orienté sur tout ce qui est bien-être du cheval, sur tout ce qui est préservation du cheval, race. Non pas que Cheval Pratique ne s'en préoccupe pas, bien évidemment, hein, puisqu'on peut évoquer le matériel et le matériel à intégrer dans sa conception, dans son design. design, le bien-être du cheval. Hein. Les filets, aujourd'hui, sont beaucoup plus soucieux d'essayer de répartir les points de pression sur certaines zones de la tête. Donc, implicitement, le bien-être, il est un peu partout. Il s'est émissé un peu partout, même dans la méthode de travail. Voilà. Donc, mais Cheval Magazine, oui, je dirais que c'est un peu ça, sa singularité. Résumons. De manière moins confuse que je ne m'apprête à le faire, je dirais que Cheval Magazine, c'est un magazine vraiment 100% autour du cheval, okay. L'animal. Mm-hmm. Et Cheval Pratique, c'est le cavalier et son cheval. Voilà. L'équitation plus. Voilà. Okay. Quand bien même, là aussi je parlais d'évolution tout à l'heure à propos de Cheval Pratique, entre ce qu'il fut en 1990 et les années qui suivirent, et aujourd'hui, Cheval Magazine aussi, il est évident qu'indubitablement il lui a fallu connaître une évolution, sinon il ne serait plus là aujourd'hui. Il a évolué, et dans ces facteurs d'évolution, il y a notamment le fait que des pages techniques y sont aussi entrées au sommaire. Donc les cavaliers peuvent aussi y trouver des informations peut-être différente. Et puis Cheval Magazine, réflexion faite aussi, mais ça s'inscrit dans la conception du bien-être, fait beaucoup d'articles aussi sur la santé. D'accord. Beaucoup. Non pas que nous négligions sur Cheval Pratique, non, mais, c'est leur zone de prédilection, mais voilà, ce sont des thématiques qui sont vraiment structurantes depuis l'origine dans ce magazine qu'est Cheval Magazine. Tu parlais de l'évolution de Cheval Pratique et de Cheval Magazine. Comment toi, tu le sens en termes de tendance ? Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui n'existaient pas il y a 5 ans, par exemple, et qui aujourd'hui sont incontournables dans un magazine ? Tu parlais de pratique, tu parlais de technique, de bien-être. Est-ce que tu détectes autre chose ? Ou c'est vraiment les grandes tendances pour toi du moment ? Non, ça reste effectivement les tendances de fond, ça, indéniablement. Après, ce sur quoi peut-être l'évolution repose, c'est sur la manière de les appréhender et de les traiter. Il est évident qu'il y a non pas 5 ans et non pas 10 ans, mais bien plus, c'est-à-dire il y a une bonne quinzaine d'années, l'équitation éthologique, d'ailleurs improprement appelée en la matière, parce que c'est mieux que de parler d'éthologie, puisque ce n'est pas de l'éthologie, mais en même temps, équitation éthologique, c'est pas satisfaisant intellectuellement, mais on n'a pas trouvé d'autres termes, donc tout le monde l'utilise, et moi le premier à ce micro. On en parlait avec, Marie de Horse & Rope, qui fait du matériel éthologique. Elle disait que c'était parce qu'on avait mal traduit « horsemanship ». Est-ce que c'est ton sentiment aussi, du coup ? Oui, effectivement. D'ailleurs, horsemanship, on l'a tellement mal traduit qu'on le reprend, on l'utilise en France. Il revient finalement dans le vocabulaire. Voilà, oui, absolument. Mais... Et donc, ça, je pense que, il y a 15 ans, c'était des articles un petit peu insolites ou, vraiment pionniers. Et puis aujourd'hui, c'est une banalité absolue, et tant mieux. Ce qui prouve, et je rebondis sur mon propos précédent, c'est que le bien-être, vraiment, est au cœur d'une préoccupation du cavalier. Non pas qu'il ne le fût pas autrefois, mais on met peut-être des mots là où on ne savait en mettre, une méthodologie qui a été faite par certains grands acteurs dans le monde du cheval. Parmi eux, y a le Haras de la Sens, qui depuis une vingtaine d'années a été vraiment un promoteur d'une démarche, mais il n'y a pas que. Nous avons eu à une époque un peu lointaine maintenant une autre actrice de cette approche de l'équitation et de l'éducation du cheval avec Elisabeth de Corbigny. Donc chacun étant issu d'une école, les uns de chez John Lyons, les autres de chez Pat Tarelli, mais dans l'absolu, il y avait des convergences absolues, mais chacun ayant rejoint ce point d'entente par un chemin qui lui était plus ou moins propre. Alors, en fonction de ses sensibilités, les uns les autres se reconnaissaient de telle ou telle école. Mais ça, c'est pas la finalité était la même. Hein. C'était le bien-être du cheval et comment, de manière plus douce, moins coercitive, obtenir absolument du cheval ce que l'on en souhaite. Quoi. Que ce soit à des finalités de performance sportive ou simplement sans aucune connotation ou aucun enjeu sportif. Tu parles que l'équitation éthologique, le terme n'est pas exact, mais utilisons-le, était insolite il y a 15-10 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis qu'il y a des sujets qui sont insolites, mais qui ne le seront plus dans quelques années ? Alors, des sujets insolites, je ne sais pas si... Enfin, c'est pas un sujet, en l'occurrence, je vais faire une non-réponse, c'est pas un sujet, mais qui sont insolites aujourd'hui et ne le seraient vraisemblablement plus dans quelques années, peut-être même pas 10. C'est dans le domaine du matériel, on y revient. Peut-être une déformation professionnelle, pour le coup. Déformation professionnelle. Et il s'agit, par exemple, de nouveaux matériaux qui sont alternatifs au cuir, et alternatifs au cuir dans la sellerie. D'accord. C'est l'apparition, parce qu'on en est vraiment à ce stade-là, c'est embryonnaire. Est-ce que ça sera pérenne ou pas ? Je l'ignore. Mais c'est les selles en peau de liège. D'accord. Parce que mécaniquement, il semble, parce que là encore, même s'il y a eu des essais de fait pour accélérer l'abrasion, etc., il semble que mécaniquement et physiquement, ce matériau n'est rien à envier au cuir. Et demain, bah, le cuir, ce sera un matériau extrêmement coûteux à acheter, peut-être de plus en plus difficile à acquérir. Donc, se posera pour le monde de cette filière de la sellerie et de la briderie, ce problème de matière première. Peut-être là, est-ce le début de l'embryon d'une réponse alternative qui est que demain, on pourra monter sur des selles en peau de liège. Aujourd'hui, on trouve ça totalement incongru. Ben non, une selle, c'est en cuir. Considérant que les selles en matière synthétique existent toujours, et je crois que celle qui est le plus vendue au monde, qui est de la marque Wintec, pour ne pas la citer, n'est pas du tout en cuir. Ah non, oui, effectivement. Mais demain, ce qui aujourd'hui est totalement anecdotique, deviendra, on aura la possibilité de choisir entre tel modèle dans telle marque, connue ou reconnue, soit en cuir, ou sinon sa version en peau de liège. Et je pense que c'est des choses qui me paraissent nouvelles. Alors là, je parle à travers le prisme d'un produit, la question se voulait beaucoup plus large. Tu n'as peut-être pas de réponse à l'instant T ? À l'instant T, non, j'avoue ne pas avoir de réponse. Rappelle-moi là cependant la question. Peut-être c'est de savoir si tu avais détecté des sujets que tu penses insolites aujourd'hui ou en tout cas un peu décalés, mais qui pourraient à l'avenir se révéler complètement normal. Non, et ben écoute, pour l'heure, ça ne me fait pas venir à l'esprit d'autres réponses et d'autres références que voilà, cette selle en liège, ce matériau qui essaye de faire sa place. Je pense qu'il est, encore une fois, techniquement, mécaniquement, tout à fait en mesure de rivaliser avec le cuir, alors que, encore une fois, dans l'inconscient collectif, on fait quelques mètres de l'endroit où nous nous trouvons dans les allées d'Iquitalion 2019, et je suis sûr que sur les 10 personnes que nous allons, devant desquelles nous allons aller, ils vont trouver totalement incongru l'histoire qu'une selle ne puisse pas être en liège. Puisse pas être en cuir. Et peut-être, effectivement, lapsus révélateur, dans 10 ans, ce sont ceux-là même qui trouveront totalement incongru qu'une selle puisse être en cuir. Oui, peut-être, on verra bien. Peut-être. Est-ce que tu sens une préoccupation environnementale ? Parce que c'est un peu le sujet du moment avec le réchauffement climatique et tout ce que l'humanité peut vivre. Est-ce que tu penses que dans l'équitation, c'est un sujet qui va aussi être de plus en plus présent ? Je pense indubitablement parce que avant d'être cavalier, on est homme et femme du monde et on ne peut pas laisser à la porte de l'écurie lorsque l'on y pénètre pour venir s'occuper de son cheval ce que l'on attaque à cœur côté ville. Donc oui, ça continue à nous poursuivre ces préoccupations environnementales, d'éco-responsabilité lorsque l'on est cavalier. Donc oui, et justement ce que nous venons d'évoquer à propos des matériaux alternatifs au cuir en est, parce que la tannerie, même si elle est considérablement moins nocive environnementalement parlant qu'elle ne le fut il y a 15 ans, 20 ans, tanne plus au chrome, bien sûr, en tous les cas pour ce qui est de la sellerie, ou de moins en moins, il n'en demeure pas moins que le tannage végétal occasionne d'autres contraintes environnementales, réglementaires. Donc effectivement, ça participe aussi à vouloir prendre en compte l'environnement. Et puis j'observe que dans les produits de soins, qu'ils soient destinés au cheval prioritairement, mais des fois aussi au cavalier, il y a de plus en plus de produits transversaux qu'on peut mettre pour son cheval. Oui, j'ai découvert la marque Jump Your Hair, par absolument, exemple. Absolument, transversalité absolue. C'est-à-dire que je peux me mettre dans les cheveux un spray qui aura les mêmes vertus que sur la queue et la crinière de mon cheval. Tout simplement pourquoi ? Parce que la kératine, c'est le matériau dont leur crin et nos cheveux sont faits. Donc effectivement, bien voilà des segments entiers, parce que la santé, c'est énorme quand on vient sur un salon comme celui-là, de voir le nombre de stands que cela implique, eh bien, sont soucieux d'avoir dans leur composition de moins en moins de dérivés de la pétrochimie. Et de trouver des alternatives à ces ingrédients, à ces composants. Donc la transposition à la selle que nous venons de quitter à l'instant et qu'on retrouve aussi vite, c'est que l'alternative au cuir et à son mode de process, c'est d'utiliser un produit lui-même déjà recyclé, qui est le bouchon, pour en faire un produit alternatif. Donc voilà, tout ça s'inscrit dans effectivement la volonté d'utiliser de moins en moins de produits qui peuvent avoir des impacts plus ou moins directs ou indirects avec l'environnement. Super. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais mettre en avant sur le salon, pour Cheval Pratique, pour la presse ? Des choses que j'aimerais mettre en avant, eh bien tout d'abord, effectivement, saluer et rappeler l'existence du pôle de compétitivité de la filière équine, le Polypolia, qui soutient des jeunes pousses, mais pas uniquement. On a souvent tendance à considérer ce pôle de compétitivité de la filière équine comme étant une sorte d'incubateur de start-up. Il aide les jeunes pousses, indubitablement, c'est une de ses missions, mais c'est aussi un accompagnateur pour des enseignes qui ont pignon sur rue depuis plusieurs décennies, qui sont connues et reconnues de tous, qu'on en soit client ou utilisateur ou pas. Et ça, je pense que c'est très important et c'est utile d'aller voir un petit peu ce que réalise ce pôle de compétitivité qui est présent sur tous les grands événements et on le retrouvera à Paris. Il est ici présent à Equita, il est présent dans tous les salons en région, il est présent aussi sur des salons qui sont en dehors du monde du cheval, à Las Vegas. Il est présent aussi à Paris pour tout ce qui est Made in France, le salon Made in France. Et ça, c'est très important d'avoir et de saluer la présence. Et je pense qu'il faut aller voir cet espace. À Paris, le Trophée des Innovations auquel ils sont impliqués. Ici, le Village des Startups, parce que c'est eux les révélateurs d'un dynamisme de cette filière, quoi qu'on dise. Il y a beaucoup de jeunes porteurs de projets qui veulent réaliser et qui proposent des choses pour le monde du cheval. Donc ça prouve, à l'aune de ce facteur, ça prouve le dynamisme quand même de cette filière. Et petite parenthèse, même si je suis partenaire de cœur et compagnon de longue route avec le pôle Hippolia, le pôle de compétitivité de la filière équine, c'est de signaler qu'il a la singularité d'être un pôle national. Rappelons-nous, il y a quelques années, il y avait 71 pôles de compétitivité, tous secteurs confondus dans l'économie nationale. Ils ne sont plus que 40. D'accord. Et sur ces 40, notre pôle, si je puis dire, notre pôle de compétitivité de la filière équine est présent et c'est plutôt un bon élève parce qu'il arrive à financer ses actions à la fois par des fonds publics, mais surtout et de plus en plus par des fonds privés puisque l'État, au fur et à mesure, se désengage de ses financements de pôles de compétitivité, quels qu'ils soient. Alors comme tu évoques le mot financement, du coup je reviens sur le magazine. Comment se finance le magazine, par la pub ou par l'abonnement, les deux? Qu'est-ce qui est plus intéressant? C'est un cocktail des deux, bien évidemment, je dirais même des trois. Le premier, c'est effectivement ceux auxquels il est destiné, c'est-à-dire les lecteurs. Maintenant, ne nous le cachons pas, on le sait, la presse écrite, que ce soit les quotidiens, que ce soit la presse d'opinion économique, et donc de loisirs n'y échappe pas, connaît une érosion du lectorat. On lit moins. Bon. Ou en tout cas, à défaut de lire moins, on est moins enclin à lire sur le vecteur papier. Oui. Donc, le lecteur joue une bonne part, bien évidemment, dans les sources de revenus d'un magazine, mais plus autant qu'il ne l'a joué. D'accord. Après, il y a, j'ai parlé de trois sources de revenus, donc il y a le lecteur qui achète en kiosque chaque mois. Et il y a aussi, bien évidemment, et qui constitue un contingent non négligeable, qui tente à croître d'ailleurs. D'accord. D'abonnés. Ok. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. C'est-à-dire que les gens, ils font plus la démarche d'aller chez leur marchand de journaux le plus proche ou au Relais H le plus proche. Je fais de la pub. et préfèrent le recevoir chez eux. Bon, voilà. Donc, un confort. Et ce sont des lecteurs, cependant. Mm-hmm. Et puis, le troisième vecteur, qui lui aussi connaît quand même un tassement, parce que le contexte économique, on le connaît, c'est pas la peine de se raconter la messe. Il est quand même pas, c'est pas l'euphorie. Mm-hmm. Il y eut pire, mais il y eut mieux aussi dans le passé. Constitue cependant la publicité, la vente d'espace, constitue aussi une manne non négligeable de revenus pour le magazine. Et puis dans ce troisième source de revenus qu'est la publicité, on peut dissocier, si on le veut, les achats d'espace tels qu'une pleine page, une demi-page ou un quart de page, donc de la pub. Mmh. Et puis aussi, un volet qui n'est pas négligeable et qui est une force extraordinaire chez Cheval Pratique, et même une singularité, c'est qu'il y a aussi beaucoup de petites annonces. D'accord. Dans un monde où aujourd'hui, il y a tant et tant d'acteurs du numérique qui proposent de mettre une annonce le dimanche soir et le lundi, ce que l'on vendait est vendu. Mmh. Alors on se dit, il y a une véritable inertie, le temps que j'envoie ma petite annonce, qu'elle soit publiée, que des gens la remarquent, m'appellent. Il s'écoule du temps, certes, indéniablement, c'est long, on est totalement en décalage avec notre rythme de vie et de consommation, mais il n'en demeure pas moins que chaque mois dans Cheval Pratique, il y a encore une dizaine de pages de petites annonces. En 2019, c'est pratiquement une performance que d'avoir une dizaine de pages ou une douzaine de pages selon les numéros de petites annonces. C'est quasiment un concept qui est un peu obsolète aujourd'hui. Eh ben non. Donc ça prouve aussi l'attachement que les gens ont à ce vecteur pour à qui vendre un cheval, à qui vendre un camion, à qui vendre un vent, à qui vendre des barres d'obstacles, que sais-je. Enfin, tout est à vendre, tout est à acheter. Donc voilà, c'est aussi une singularité de Cheval Pratique. C'est aussi qu'on a encore, alors que dans beaucoup de titres, elles ont disparu ou se réduisent à quelques pages, à une portion congrue, c'est que nous, on a encore une dizaine, douzaine de pages minimum chaque mois de petites annonces. C'est assez étonnant. Ouais, c'est bien, bravo. Qu'est-ce que tu te souhaiterais comme évolution pour le magazine? Dans tes rêves les plus fous, qu'est-ce que tu aimerais que ça devienne? Alors, ce ne sont pas des rêves fous, je crois que ce sont des rêves raisonnés. Et j'espère que ce sera non seulement raisonné et de moins en moins un rêve. On en parlait à un moment de cet entretien, qui était que pour accroître l'attractivité du magazine, eh bien, il soit aidé par le fait d'être également proposé avec une version digitale. D'accord. Voilà. Et je pense que ce ne serait qu'un élément de dynamique supplémentaire. Et j'aspire à ce que ce qui n'est pas un rêve, puisqu'on en parle et que c'est à l'étude, se fasse jour et devienne véritablement concret, et que ce puisse être une offre nouvelle proposée à nos lecteurs qui, selon les circonstances, dans le train, un avion, puissent, à défaut d'avoir oublié leur magazine sur la table du salon en partant précipitamment, puissent se dire « bon, c'est pas grave, je vais le retrouver en numérique, c'est pas le papier, c'est pas le tactile, mais bon, c'est pas grave, j'y ai une lecture à poursuivre ou à entamer et l'avoir ainsi. » Donc voilà, c'est pas un rêve, parce que je pense que c'est une nécessité économique pour un média maintenant que de le proposer sous cette forme-là, et bien que celle-ci advienne assez rapidement. Voilà, ce serait souhaitable. Vous êtes combien chez Cheval Pratique pour faire un numéro ? Tu disais une centaine de pages par mois ? Oui, je crois que nous sommes environ à une centaine de pages de rédactionnel par mois, une quinzaine à une vingtaine de pages de publicité. Donc on tourne des numéros moyens de 124 pages, ça peut être à 132 pages. Et pour répondre à la question, eh bien en permanent, nous sommes trois. D'accord. Il y a la directrice de rédaction qui chapeaute également Cheval Magazine, ça. D'accord. C'est un effet sans doute du rachat par le même groupe des deux magazines, qui voulait simplement satisfaire son offre et accroître son offre et la rendre plus attractive en ayant deux titres référence de la presse équestre, petite parenthèse, que je referme. Il y a la maquettiste, la secrétaire de rédaction. D'accord. Celle qui, je dirais, veille à corriger les fautes de syntaxe, les petites erreurs qui peuvent être commises par l'auteur de papier, et moi-même. D'accord. Autour de ça, bien évidemment, viennent s'ajouter des collaborateurs ponctuels pour la maquette, important. Okay. Et ensuite, il y a bien évidemment ce qu'on appelle des pigistes, des gens qui sont soit journalistes et qui travaillent, je dirais, de manière indépendante, mais pour le magazine. Et puis aussi, il y a bien évidemment la publicité. On en parlait, la publicité aujourd'hui, ce sont deux personnes. D'accord. Qui sont en charge de promouvoir le magazine et de vendre des espaces publicitaires aux acteurs économiques, socio-professionnels pour lesquels il y a un besoin de manifester leur présence, de témoigner de leur présence à travers des nouveautés, des produits, etc. Donc on est cinq, trois à la rédaction pure, deux au service commercial. Donc ce sont des petites équipes. Hein, ça n'est pas du tout des rédactions à l'effectif pléthorique. Oui, ça ne le fut jamais d'ailleurs. Même à l'époque bénie des années fin 90, première décennie 2000, même à cette époque euphorique, ce ne furent jamais de grands effectifs. Et ces pigistes auxquels je fais allusion, qui sont quand même la force vive des contributeurs en termes de rédaction, sont chez Cheval Pratique de l'ordre d'une demi-douzaine ou une bonne demi-douzaine de personnes, entre 5 et 8, on va dire, photographes inclus. D'accord. Et tu chapeautes en tant que rédacteur la relecture ou en tout cas les thèmes des sujets que les pigistes font ? Alors non, même si c'est une rédaction à l'effectif éminemment modeste, où tout le monde pourrait faire tout, cela reste la prérogative de la directrice de rédaction que de relire l'ensemble des textes. Bien évidemment, deux yeux valent mieux qu'un. Elle a à ses côtés une pigiste qui assure son rôle d'adjoint. Okay. Et puis bien évidemment la secrétaire de rédaction qui veille scrupuleusement à corriger quelques erreurs, quelques incohérences. Donc voilà, ce sont les trois personnes qui sont en charge de la relecture et de la validation des papiers. Moi, une fois que j'ai livré mon papier, indiqué les photos qui pourraient être susceptibles d'agrémenter au mieux ce que j'ai rapporté, après moi je passe la main. Tu passes la main, d'accord. Je suis sur l'autre numéro. D'accord. Tu parlais des photos parce qu'on parle beaucoup d'écriture, parce que tu es rédacteur, mais tu parlais des photos. Tu as des photographes, du coup, avec lesquels tu travailles en partenariat dans tes pigistes ? Alors, je ne sais pas si le terme est correct, mais... Si, si, absolument. Dans le cas dans lequel s'inscrit Cheval Pratique, et d'ailleurs, il en est de même pour notre confrère Cheval Magazine, nous n'avons pas de photographe et nous n'eûmes jamais de photographe attitré. Enfin, entendons-nous. Photographe attitré, oui, je vais en parler, mais intégré comme permanent. Oui, c'est d'accord. Un pigiste. Et effectivement, en l'occurrence, il s'agit de Thierry Segar. Thierry Segar qui, lui, a été quasiment sur les fonds baptismaux de Cheval Pratique, puisque je crois qu'il a commencé à collaborer dès 1991 ou 92. Donc, il a été, c'est vraiment quelqu'un de la première époque et qui, depuis plus de 25 ans maintenant, assure peu ou prou 80 à 90% de l'iconographie de chaque numéro. D'accord. Après, il y a, selon les sujets, des photos que nous ne détenons pas, pour des questions de droit, ou parce que ça fait appel à des documents d'époque, ou simplement des fois des reportages au long cours qui ont été faits par leurs auteurs. Donc, ils nous fournissent également textes et photos. Donc, il y a quelques cas comme ça qu'on peut citer à la marge. Mais Thierry Segar, encore une fois, est depuis 1991-1992, le photographe de Cheval Pratique. Super. J'en ai fini pour les questions. Donc je ne sais pas si tu as envie d'évoquer un sujet voilà, auquel je n'aurais pas pensé, mais qui te tient à cœur, sur Cheval Pratique ou l'équitation. Non, je pense qu'à travers toutes les questions auxquelles j'ai eu à répondre, je crois qu'on a quand même balayé tout ce qui me paraît être des préoccupations ou des sources d'intérêt et où j'avais des choses à exprimer et à rappeler. Non, ce que je souhaite, c'est que Cheval Pratique, et pour l'heure, je n'ai pas à m'en soucier vraiment et à m'en préoccuper, continue de conserver effectivement cette singularité qui est, c'est encore une fois, c'est peut-être pas entre Cheval Magazine et Cheval Pratique, des deux titres, le plus beau, c'est effectivement Cheval Magazine, c'est indéniable. C'est celui qu'on retient. D'ailleurs, des fois, il arrive même que des gens parlant de Cheval Pratique disent « J'ai lu dans Cheval Magazine ». Ça nous est arrivé. Je pense que mes confrères de Cheval Magazine ont rarement dit « Ah ben, j'ai lu dans Cheval Pratique » alors qu'ils parlaient de Cheval Magazine. La réciproque ne se vérifie pas, mais nous, ça nous est arrivé. Donc, ce n'est pas effectivement le plus beau des titres, mais c'est qu'il reste dans son ADN, Cheval Pratique, qu'il conserve ce souci d'être sur le terrain et au plus près de la préoccupation des cavaliers. Alors, c'est de temps en temps une préoccupation éminemment équestre, d'éducation du cheval, de travail du cheval, et tout ce qui est autour de l'écurie, on l'a évoqué maintes fois, hein, son transport, son équipement, et puis des fois, des choses un petit peu plus... je dirais mercantile, qui est voilà, le consumérisme, bien sûr, hein, à travers la présentation de produits, parce que la finalité de parler d'une couverture, c'est d'en parler intelligemment, journalistiquement, mais là, au fin des fins, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour qu'on l'achète, cette couverture, ou ce bridon, ou ce produit de soins. Donc voilà, qu'on continue à creuser notre sillon, voilà. Et encore une fois, en devenant plus attractif que nous ne le sommes, rester malgré tout, envers et contre tout, en proposant demain une version digitale attrayante et voilà, qui est incitative. On a fini avec Cheval Pratique. J'aimerais plutôt parler de toi maintenant, te découvrir un petit peu plus. J'imagine que tu es cavalier. Oui, absolument, je suis cavalier. J'ai commencé à monter à cheval assez tard, enfin tout est relatif, mais j'avais 13 ans quand même. Ça faisait longtemps que monter à cheval me tentait, mais l'occasion ne s'était pas présentée. Puis elle s'est présentée alors que j'avais à peu près cet âge-là. Je montais dans un club équestre qui se situe dans la vallée de la Bièvre, puisque je suis parisien, et qui était donc dans le sud de l'Essonne. D'accord. Voilà. C'est là où j'ai fait mes premiers pas équestres. Alors, ce qui m'a amené à l'équitation, c'était déjà que c'est une tradition familiale chez nous. Mon arrière-grand-père montait à cheval, il appartenait à un club qui existe encore mais qui ne doit concerner que quelques vieux messieurs en veste de tweed et pantalon de velours, qui est le club des habits rouges. Une association de cavaliers très, très sélecte à l'époque. Et mon grand-père, il y appartenait dans les années 30. J'ai des photos de lui, mon arrière-grand-père, des photos de lui devant ses écuries près de Dieppe, puisque je suis normand d'attache, sur des chevaux dont d'ailleurs la conformation ne serait plus du tout celle des chevaux d'aujourd'hui. Mm-hmm. C'est assez amusant. Il chaussait à fond les étriers à l'époque. Il y avait le talon de la botte qui retenait le plancher de l'étrier. D'accord. C'était vraiment chaussé à fond, mais on chaussait comme ça à l'époque. Oui, c'était l'usage. Voilà, avec une casquette en complet. Voilà, c'était. Il avait monté en course. Il a fait beaucoup aussi de menage. L'attelage était une discipline qui semble beaucoup avoir pratiqué, puisque j'ai conservé de lui, que je n'ai pas connu, puisqu'il est mort à la fin des années 50, et moi je suis né une bonne douzaine d'années plus tard. Et j'ai conservé donc indirectement de lui des médailles de la Société hippique française, de la SHF, où il avait obtenu des médailles d'or au niveau régional, en attelage et en dressage. Voilà. Et puis, ça a sauté une génération parce que ni ma mère n'a jamais monté à cheval, jamais. Et puis moi, ça m'est venu. Et ça m'est venu d'une manière... alors, je vais parler d'un truc qui va sans doute en irriter et écorcher les oreilles de plus d'un, mais pas grave, ça fait partie de la vie et je revendique. C'est que moi, je pratique aussi je pratique la vénerie. La chasse à cours, du absolument. Coup. Absolument. Ok. Et donc, eh bien voilà, c'est un petit peu ce qui a été mon moteur pour me mettre à cheval un jour. C'est que j'ai dit, je ne vais pas quand même suivre à pied ou à vélo, même si c'est très plaisant d'ailleurs. Mais je veux monter à cheval, je veux vivre pleinement la chose. Et voilà ce qui a été mon moteur, ma motivation pour me mettre à monter parce que j'ai jamais eu l'âme d'un compétiteur. J'ai fait un petit peu de CSO pour les besoins de la rubrique, une rubrique que j'ai tenue dans Cheval Pratique à une époque qui s'intitulait En reprise et où on me suivait chaque mois dans l'adversité, dans la galère, avec des moments de félicité aussi. Et on m'avait suivi. Mais la vraie vie, en gros. Voilà, absolument, avec mes problèmes récurrents. Ça permettait aux gens de se dire, ah bon, bah finalement, il n'y a pas que moi qui galère dans le manège ou dans la carrière. Chaque fois que je vais au club, lui aussi, apparemment, il n'a pas l'air de s'en sortir, le pauvre. Et en plus, on en parle. et puis, la finalité, bien évidemment, à l'époque, c'était comme aujourd'hui, c'était la quête du Graal, c'était d'aller à l'Open de France. Et j'ai disputé l'Open de France, ça devait être en 2007, je crois. Okay. Donc voilà, et c'était l'objet de toute une saga. On me suivait. D'accord. Une année de préparation. Okay. Et comment ça s'est passé alors? Ça s'est passé tout à fait honorablement, puisque j'avais fini dans le premier tiers du classement. Bah, très bien, donc, c'était tout à fait honorable pour quelqu'un qui le faisait par passion, plus sur l'aspect journalistique que personnel. Voilà, okay. C'était de vraiment vivre le truc à fond et que les gens le faire sérieusement et honnêtement, pas de manière désinvolte. Voilà. Donc j'ai vraiment tout fait en me prenant au jeu. Donc voilà, ça a été. Et le cheval, alors je recommence plutôt, le cheval que tu as eu à la Motte, par exemple, pour cette expérience, est-ce que c'est le même aujourd'hui? Est-ce que tu Non. Non, parce que cette pauvre jument Iphélia, tel était son nom, avait un âge tout à fait moyen, elle devait avoir une quinzaine d'années, et puis bon, c'était ce dont je parle, c'était il y a 10 ans, et non, aujourd'hui elle n'est plus de ce monde. D'accord. Donc voilà. Et revenons à nos chevaux. Donc c'était effectivement pour pratiquer à fond ma passion pour la vénerie. Voilà. Et j'ai l'occasion chaque samedi ou presque de repartir en Normandie et de pouvoir monter des chevaux qui servent aussi bien au polo qu'à la chasse. Voilà. D'accord. Ce sont des petits pur sang. Je suis assez peu adepte du trotteur, bien que ce soit le cheval que l'on rencontre le plus dans cette pratique équestre de pleine nature. Parce qu'il est véloce, parce qu'il est extrêmement généreux dans l'effort. Mais c'est tellement plus sympa d'avoir un petit cheval avec un galop rassemblé, léger, qu'on peut diriger d'une main, ce que le cheval de polo, bien évidemment, offre. Je suis friand de ce type de monture lorsque je suis en forêt derrière les chiens. Ouais, d'accord. Et je finis toujours l'interview par cette question. Si jamais je devais te dire là le mot qui t'évoque le mieux le lien entre un cavalier et son cheval, ce serait lequel pour toi ? Eh bien, je pense que ce serait la douceur. Même j'en suis sûr. On obtient tout par la douceur. Il y a même une très belle expression d'équitation, le souffle de la botte. C'est quand même beaucoup plus classe, c'est quand même beaucoup plus subtil, que de rentrer dedans. Donc voilà, le souffle de la botte. Et finalement, ce à quoi aucun cavalier ne parvient, enfin aucun, énormément n'y parviennent jamais, c'est le tact. Le fameux. Voilà. Donc voilà, tu vois tout ça. Alors tu me demandais un mot, j'ai transgressé le règlement intérieur en citant deux. Douceur et tact, mais je voulais l'illustrer par ces quelques expressions qui me viennent tout en déroulant mon propos. Le souffle de la botte, voilà, il y a une notion de douceur, le souffle de la botte, voilà, c'est l'équitation finalement, c'est tout faire et ne rien faire en ne faisant rien, ce qui est totalement faux, bien évidemment. C'est de tout faire sans que ça se voit. Et je pense que ça c'est le graal de l'équitation, quoi, c'est de la belle équitation, voilà. Super. Merci beaucoup Christophe pour ton temps. Merci pour cette interview. Et à bientôt. À bientôt. Hello à nouveau. C'est la fin de notre épisode C'est pas sorcier de publier un magazine. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris quelque chose sur la presse écrite. Ce sera l'occasion de regarder différemment les pages de votre magazine préféré ou au contraire d'aller vous abonner ou d'aller en acheter un au prochain kiosque que vous croiserez. N'oubliez pas que la culture G fait aussi partie de l'équitation et qu'une remise en question ou juste des actualités ou des sujets est aussi un bon moyen d'être un meilleur cavalier. Pour être au courant des nouveaux épisodes, abonnez-vous au podcast C'est pas sorcier sur la plateforme de votre choix ou à la chaîne YouTube J'entraîne mon cheval. Parlez du podcast autour de vous. Si vous êtes ravi d'explorer le lien cavalier-cheval, eh bien mettez-moi 5 étoiles sur la plateforme ou laissez-moi des commentaires. Je suis toujours ravie quand je peux avoir vos retours parce qu'ils m'aident à progresser. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou me proposer des idées de personnalités à interviewer,